suis qu'un jouet musicien. Je n'ai pas de la crème ou du parfum sur les mains. J'espère pour toi que ton fils deviendra un homme. J'espère pour toi que ton fils deviendra un homme. Le marin s'en va pêcher sur un bateau blanc. Ce matin, toutes ses voiles sont gonflées par le vent. J'espère pour lui que les flots bleus resteront sages. J'espère pour lui que les flots bleus resteront sages. Et marin, prends garde, la mer peut se fâcher. Et marin, prends garde, le vent peut s'énerver. Mes marchés sont remplis de chrétiens du dimanche. Le curé prépare une messe et se garnit les manches. J'espère pour lui que le Seigneur existe vraiment. J'espère pour lui que le Seigneur existe vraiment. Vous les noirs, n'écoutez plus ce qu'on dit de vous. Des histoires, on en a dit, mais rien ne tient debout. J'espère pour vous qu'un jour les blancs devront se taire. J'espère pour vous qu'un jour les blancs devront se taire. Et toi le noir qu'on repousse, viens marcher près de moi. Et toi le noir qu'on repousse, je cherche un gars comme toi.